Hello, hello, Blockbuster. Et ben, c'était super, cette émission sur le top 50. Ça évoquait plein de choses et il y avait encore plein de choses à en dire. C'était génial. Je pensais au sketch des inconnus, c'est avec le QCB et ses compons. Je pensais aussi à tout ce qui était censure avec les clips de Mylène Farmer, de Sabrina. Allez, merci beaucoup et continuez vos émissions. Au revoir. C'est quoi ce bordel? Une émission sur le top 50 et pas un son de Michel. Ne m'appelez plus jamais France Inter. Moi, je dis Thomas Croisière forever. Salut Fred, il est 9h, je suis au bureau, j'écoute l'émission d'hier et bim, tu me passes la bamba, le smile pour la journée. Voilà, petite pensée pour Macaro. Allez, ciao à tout le monde, bye bye, bon été. To be or not to be, not to be. Que fait le gouvernement? Ce pays est envahi par un fléau et personne ne fait rien. Je veux bien entendu parler des abonnements. On te propose des abonnements partout, pour tout, tout le temps. Abonne-toi à Netflix, à Amazon Prime, à Disney+, à Salto, au Game Pass, au Season Pass, au PlayStation Plus Premium, au Pass Navigo, à la carte One de la Fnac, à un opérateur téléphonique, à un fournisseur d'accès Internet, à la carte cinéma, à la salle de sport, à mes cours de dessin, à mon panier à map, à ma chaîne, à mon podcast. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi! Mais quand on y pense, l'abonnement, c'est quand même une énorme arnaque à laquelle on décide de souscrire. Le principe, c'est quand même, tu sais quoi? File-nous ton argent tous les mois à date fixe et nous, on va te filer des trucs qui vont te plaire, fais-nous confiance. Et quand tu finis par vouloir retrouver ta liberté, parfois, c'est plus difficile que de quitter son conjoint ou sa conjointe. Mais pourquoi vous voulez mettre fin à votre abonnement? Qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est pas vous, c'est moi, j'ai envie de voir ailleurs. Ça fait 4 mois que je paie un abonnement, mais je vous regarde plus. Mais vous savez qu'on vient de mettre en ligne la 8e saison de Squid Game? Elle est tournée à Marseille avec les anges de la télé-réalité et Benjamin Castaldi pour séduire le public français, ça vous dit pas? Non? Alors dans ce cas, faut envoyer une lettre recommandée de résiliation à l'adresse qui se trouve sur un tract publicitaire qu'on vous a envoyé il y a 8 ans. Vous devrez bien évidemment payer les 8 mois en cours et une pénalité de 452 € forfaitaire pour préjudice moral. Wow, c'est cher! Mettre fin à un abonnement, c'est comme un divorce. C'est cher. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Depuis la nuit des temps, les hommes ont combattu au nom de leur dieu. Mais pourquoi les hommes se battent? Leur dieu aimerait-il tant la guerre? Serait-il si avide de sacrifices et de cruauté? Non, la réponse est ailleurs. Cette réponse se trouve au fond de chacun de nous. Aussi loin que nous remontions dans la mémoire de l'homme, elle régit notre destinée et la vie de tout être humain. Elle reste à jamais inscrite dans nos gènes, car l'homme possède le gène du combat, et ce, depuis toujours. Oui, ce gène existe en chacun de nous. Et il force les plus puissants à se battre, à suivre cette voie que l'on parcourt au fil des épreuves, en affrontant tous les dangers et en défiant les hommes les plus valeureux. Ce but que l'on cherche à atteindre, en se surpassant tous les jours. Cette voie que l'on trace grâce à la puissance de nos muscles, en enchaînant les combats et les duels, nous mène à une vérité cachée au plus profond de nous-mêmes. C'est la voie du poing d'acier. Le Tekken. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Dans l'univers des jeux de combat, si Street Fighter fait figure de référence canonique du genre, il ne faut pas oublier que des millions de joueurs lui préfèrent son concurrent direct, Tekken, ou le tournoi du King of the Iron Fist. Depuis 1994, le studio Namco n'a eu de cesse d'améliorer sa formule avec pour toile de fond l'affrontement oedipien de la famille Mishima. Pour revenir sur cette référence du jeu Tatane, j'ai avec moi, et c'est un retour, Justine Boulanger, bonjour. Et oui, bonjour et rebonjour. Vous êtes membre de l'association Women in Game France et intervenante en école de gaming à XP School. Exactement. Avec nous de retour également, Julie Le Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culture et société, spécialisée en jeux vidéo et cinéma. C'est ça. Et avec nous, pour la première fois, Ken Bogard. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour. Vous êtes animateur télé pour le stream et commentateur de jeux de combat. Tout à fait. La sélection des combattants et combattantes a été effectuée, l'arène est choisie. Let's fight! Hey, là c'est le mur, là il y a le mur. Ok, le bon combo maintenant, 1-1, au qu'ils aiment. plus ce frame. Ouais, il prenne rien. Joué, encore une fois. Stone. Oh, bien oh là bloqué là. Ça oh, mais là, c'est oui. pas possible de balancer ça. Il bloque. Oh, bien bloqué. Oh, ça marche. Ça va, ça va tuer. Ça va tuer. Personne ne bloque ça. Personne ne bloque le lot. Il avait le Sharingan. Personne ne bloque le lot. Près de moi. Oh, Rudy Gobert. Ah, il prend son côté. Oh là là. Oh là là. Oh, Wall Splat. Wall Splat. Triple Wall Splat. Qu'est-ce qu'il va faire? À la relever, au Kizem. Au Kizem. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh là là là là! C'est qui ce mec? Oh, je sais pas. Dans la mesure avant tout. Dans la mesure, c'était un extrait de l'ambiance du Gen Cup Paris ouais. en juillet 2022. Un tournoi Tekken France commenté entre autres par Norman Genius. Et voilà, alors là je sais que les auditeurs sont en train de dire mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai absolument rien compris. Vous inquiétez pas, on a une heure pour un petit peu vous mettre sur la voie et la compréhension de cet univers qu'est Tekken. Donc, Julie Le Baron, première question, une question qui va énerver les connaisseurs mais qui est indispensable au grand public. Qu'est-ce que Tekken? Qu'est-ce que Tekken? Eh bien, Tekken, c'est une... Je vais faire la définition plus ou moins wikipédiesque. C'est une série de jeux de combat en 3D, traditionnellement développé bon pour bande d'arcade et qui sort également sur console. Donc existe depuis 94, il y a 7 épisodes canoniques, mais il y a aussi eu des free-to-play au succès plus ou moins mitigé, il y a eu des déclinaisons, des adaptations. Il y a également eu des adaptations cinématographiques, mais est-ce qu'il faut vraiment s'étendre là-dessus? Elles sont grandioses. Absolument grandioses. Et c'est un jeu qui, tout titre confondu, s'est écoulé à des dizaines de millions d'exemplaires. Le 7, par exemple, et le tout dernier, en attendant le 8, s'est vendu à 9 millions d'exemplaires. Oui, on approche les 10, j'ai regardé ce matin. On approche les 10, ouais. On approche les 10. Et alors, d'où vient le studio Namco qui est derrière la franchise Tekken? Parce que Namco, c'est évidemment Tekken, mais c'est aussi Ridge Racer, c'est toute une histoire de la bande d'arcade, Ken Bogard. Alors à l'origine, c'est le papa de Pac-Man, surtout. Hein, surtout. Et retrouver Pac-Man depuis très très longtemps, c'est eux aussi qui ont fait Galaga, enfin des jeux de très très anciens qui... Eh bien, ont été des immenses succès en arcade. Namco, ce sont des développeurs de jeux vidéo, prénommés Namcot, d'ailleurs, à une époque, avant de se renommer réellement Namco. Et ils sont développeurs de jeux, ils sont japonais. Et pour écouler les jeux et avoir la rentabilité des jeux dans les années 70, il fallait essentiellement passer par le marché de l'arcade. Donc Namco s'est énormément intéressé au marché de l'arcade, à son évolution et à celui du jeu vidéo après, avec l'arrivée notamment des consoles de salon que soit la NES, puis la Mega Drive, la Super NES après ça, avec différentes adaptations, mais trouveront réellement, on va dire, leur équilibre jeu vidéo arcade console avec l'arrivée de la PlayStation et justement avec ce jeu Tekken et avec le jeu Soul Edge qui va lui succéder, puisqu'ils vont avec Sony développer une carte arcade qui est en quasiment tout point similaire à la PlayStation de Sony, permettant ainsi, pour une des toutes premières fois, hein, seule SNK, la Neo Geo, le faisait justement avant. Qui dans était bien plus cher. Exactement, dans un registre pas très grand public. Oui. Pour la toute première fois, permettre des adaptations extrêmement simples sur console de jeux déjà pensés pour fonctionner en arcade. Justine Boulanger, je l'ai dit, Tekken entretient une relation particulière avec son rival Street Fighter qu'il précédait. Et justement, parlons un petit peu de ce lien. Qu'est-ce que représente Tekken par rapport à Street Fighter? Alors, c'est sûr que parmi toutes les licences de jeux vidéo de combat, ça va être effectivement les deux qu'on va peut-être avoir tendance à citer en premier. Dans l'histoire du jeu vidéo de combat, une des preuves notamment qui fait que ces deux-là ressortent principalement, c'est qu'on a eu plusieurs fois dans le monde des tournois qui ont été organisés, justement des tournois, on va dire, cross-game, notamment entre Street Fighter et Tekken. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu en 2012, de manière très très très très récente. Après, comment fonctionne le principe de ces tournois pour ceux qui connaissent pas? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des équipes qui sont formées. On va avoir des équipes qui sont formées et qui vont s'affronter, on va dire, sur le ring. Mais par exemple, pour reprendre celui qui de 2012 en l'occurrence, qui s'appelait Cross Assault. De mémoire. On va avoir une équipe Tekken, une équipe Street Fighter, je schématise bien sûr, composée de plusieurs membres, de coachs. On va pouvoir les suivre. À l'époque déjà, ça existait en live avec des commentateurs. Et ça va être un petit peu l'apogée du jeu vidéo de combat dans le sens qui est le meilleur sur son jeu, mais à travers les deux jeux. Donc c'est, on va dire, une sorte de mise en abîme. À la fois, on s'affronte en termes de compétences. Des très bons joueurs de Street Fighter Exactement. Vont jouer sur Tekken et des très bons joueurs de Tekken vont aussi jouer on sur peut. Street Fighter. Voilà. Mais ils vont aussi jouer sur leur propre jeu aussi. Voilà, on va faire une sorte de tournoi comme ça qui mélange un peu tout. Et c'est pour ça que je parle de mise en abîme, parce que finalement, c'est à la fois déterminer quels sont les meilleurs joueurs de jeux de combat, mais aussi finalement un peu quels sont les meilleurs personnages, quel est le meilleur titre, notamment. Après, en termes d'histoire, c'est là où on a une sacralisation un peu particulière sur Tekken et où ça diverge beaucoup de Street Fighter. Et justement, quelles sont les différences de gameplay, de mode de jeu? Parce qu'on sait que Street Fighter, c'est donc un jeu de combat où les deux personnages se font face et se battent comme ça. Il n'y a pas forcément, on n'a pas la possibilité d'aller au fond, de tourner autour de son adversaire. Alors que dans Tekken, c'est ça la principale différence. Ou il y en a d'autres, Ken Bogard? Alors, pas vraiment. En vrai, Tekken essaye de mimiquer un peu ce que fait Street Fighter, mais avec une dimension supplémentaire. Qu'est la 3D. C'est vrai qu'on peut faire certains pas de côté pour aller dans les profondeurs dans Tekken, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus central dans le gameplay. On va dire qu'on va utiliser la profondeur comme moyen de tourner autour. On va pouvoir créer des stages qui n'ont pas de murs, qui sont infinis. Et l'idée vraiment de Tekken, c'est de repenser ce qu'était le jeu de combat et de l'adapter au plus grand public. Le premier qui a adapté les jeux de combat en 3D, c'est Sega avec Virtua Fighter. Voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit avec Virtua Fighter, ils se sont dit on est en 3D donc on va faire un ring ouvert où quand tu sors du ring voilà t'as perdu et on va inventer un système où t'as un coup de poing, un coup de pied et un bouton garde et avec ça on va mixer des coups et des enchaînements derrière ça. Tekken ils se sont dit ça c'est à la fois simple mais en fait ça peut paraître un peu compliqué, on va essayer de faire encore plus simple et on va permettre, bon ce truc de ring out on va l'oublier, on va garder soit nos arènes fermées soit nos arènes ouvertes et on va penser un gameplay à 4 boutons où chaque bouton de poing représenteront un point droit ou un point gauche, chaque bouton de pied représentera un pied gauche et un pied droit. Ainsi, on a les boutons qui représentent chacun chaque membre du personnage. La logique s'imprégnant comme ça sur le joueur, on est immédiatement un peu immergé dans un gameplay qui est automatique et systématique. Et contrairement à un Street Fighter qui va se baser sur des combinaisons compliquées de direction de boutons pour faire des coups spéciaux. Sur Tekken, on va retrouver des enchaînements de combos à base d'enchaînements de touches qui permettront de créer des enchaînements fluides, des katas sur les personnages qui peuvent ou non d'ailleurs faire des combos qui peuvent être bloqués, d'autres peuvent ne pas être bloqués, mais qui permettent d'avoir accès à une panel de mouvements bien plus riche. Évidemment, la 3D aidant à créer beaucoup d'animations une fois qu'on a créé son modèle, que l'on pouvait avoir dans Street Fighter. Mais paradoxalement, il faut revoir le système de combo. Et le système de combo de Tekken va être fondamentalement différent de celui de Street Fighter et beaucoup basé sur la notion de launcher, donc le fait d'envoyer... Oui, projeter l'adversaire exactement, en l'air. Projeter l'adversaire en l'air. Exactement. Avant même qu'il touche le sol. Exactement. Voilà. Enfin, c'est vrai qu'on va peut-être jargonner pour les jeux de baston. Alors, les juggles, c'est facile. Je traduirais. C'est-à-dire que le launcher, c'est la jongle. Exactement. Voilà, et on jongle ensuite on avec l'adversaire, comme voilà. Si c'était une orange, pour pas la laisser tomber sur le sol. C'est la meilleure analogie possible. Voilà, c'est un peu le but premier, en fait, que l'adversaire ne retouche jamais le sol. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Faut jongler avec son adversaire. Et après, juste pour revenir sur ce que tu disais, Ken, c'est vrai qu'il y a eu une évolution aussi du gameplay entre le premier épisode et le septième. Typiquement, dans le premier, il fallait bloquer manuellement l'adversaire. Oui. Dans le deuxième, ça devient automatique. Dans le trois, il y a l'introduction des petits pas sur le côté qui permettent un plus large panel en fait d'attaque, enfin des manières différentes d'aborder l'adversaire. Et ce à quoi on peut aussi ajouter des modes, parce que moi, ce que je trouve assez intéressant avec Tekken, c'est qu'ils ont absolument pas peur de ne pas se prendre au sérieux. C'est un des rares jeux où on peut trouver donc un mode bowling, un mode volley, tout ça avec une galerie de personnages extraordinaires qui vont de la créature extraterrestre qui aspire l'âme des combattants à un bébé tyrannosaure qui pète à la face de ses adversaires à une tueuse à gages cryogénisée pour ne citer que quoi. C'est vrai. Oui, c'est assez varié. Ah, c'est varié, hein. Ouais, très varié. C'est une des grandes forces de cette licence qui, justement, opposée vraiment à Virtua Fighter, a su, une fois qu'il est arrivé sur une console grand public, comme la PlayStation, trouver le moyen d'attirer le grand public. Le jeu de combat, en mode sérieux, entraînement. Et rien de mieux qu'un petit, ouais, un bébé tyrannosaure pétomane. Rien de mieux que des modes de jeu cool et fun, juste pour pouvoir s'amuser. Parmi les nombreux titres cultes qui ont émaillé l'histoire de Tekken, il en est un qui fait encore qu'on a les poils qui se dressent quand on le réécoute. C'est Sparking, la bonne annonce de Tekken 5, interprétée par Tom Leonard. I'm here now. Parking de Tekken 5 dans Blockbuster sur France Inter. Ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est qu'on a un vrai public, car les matchs sont retransmis sur les plateformes de streaming. On a aussi des personnes qui viennent assister aux matchs en live. Pour Tekken, on a changé le gameplay pour que le spectateur ait aussi une expérience de jeu. Et on va pousser ça dans le futur, afin que ce soit divertissant pour les spectateurs et pas seulement pour les joueurs. On vient d'entendre la voix de monsieur Harada. Julie Le Baron, est-ce que vous pouvez nous présenter ce grand monsieur qui est indissociable de l'histoire de Tekken? Katsuhiro Harada, qui mériterait presque une émission à lui seul, tant il y a à dire sur lui. C'est vraiment la figure clé de la franchise et c'est lui que Namco contacte au moment donc où ils veulent tester les capacités de la PlayStation, ce qui a donné lieu à Tekken plus tard, et qui donc est un personnage vraiment très très intéressant dans le sens où il est diplômé en psychologie parce qu'à l'origine ses parents ne voulaient absolument pas qu'il travaille dans les jeux vidéo. Je crois bien que le jour où il leur a annoncé, ils ont fondu en larmes. Et a commencé à travailler et mais ne s'est jamais départi un peu de sa formation académique. Donc sa formation de psychologue, elle lui sert à la fois pour éplucher les retours des joueurs, pour justement essayer d'en tirer quelque chose de positif. Il va vraiment avoir une approche très très scientifique en fait dans sa manière de récolter les retours des joueurs. Mais en plus de ça, il a tenu, alors au début il y avait énormément un accent sur l'histoire qui était moins prononcé dans Tekken, mais il a tenu assez tôt en fait à placer des petits éléments biographiques pour que les joueurs puissent par exemple s'identifier aux personnages ou réussir à les différencier, parce qu'on parle d'un roster de personnages assez conséquent. Et le roster c'est c'est l'ensemble des personnages. L'ensemble des personnages, tout à fait. Et lui s'est inspiré en fait de manga Gekiga, donc qui sont des mangas qui ont connu un peu leur apogée dans les années 60-70, qui sont plutôt des mangas adultes qui vont aborder des thématiques assez sombres. Et lui, il tient à ce que ces personnages aient tous une apparence qui soit dictée par leur psychologie. On va souvent avoir des personnages qui ont été plus ou moins malmenés par la vie, qui ont tous des motivations, parce que l'intrigue de Tekken, au final, c'est l'histoire d'une famille qui a la fâcheuse tendance de se jeter dans des volcans, mais qui sont donc à la tête d'une méga corporation qui s'appelle la Mishima Zaibatsu. Ah bah on est vraiment dans une relecture des mythes grecs avec Zeus, Uranos, Chronos, où le but du jeu, c'est de faire tomber le père. Hein. Ah, c'est ça, tout à fait, oui. Moi, j'y vois un peu une sorte d'Hamlet, un peu plus foutraque, parce que voilà, enfin, la galerie de personnages fait que c'est très difficile de maintenir un semblant de cohérence. Mais c'est intéressant de voir comment il s'est professionnalisé dans l'écriture. Pour l'épisode 4, par exemple, il s'est fait assister d'un écrivain. Au début, quand il devait résumer l'histoire de Tekken, il essayait plus ou moins de puiser dans ses souvenirs et s'est très vite retrouvé en fait à avoir une équipe dédiée à garder une trace de tout ce qui a été dit à l'époque pour qu'il y ait une réelle histoire avec des personnages qui ont des destins liés entre eux et tous donc ont une raison de participer au fameux tournoi du point de fer et de faire tomber la figure du père, comme vous l'avez si bien dit, Fred. Oui, et alors tournoi qui permet aussi de récupérer les rênes de l'entreprise Zaibatsu, l'entreprise de Heihachi Mishima. Justine Boulanger, que dire sur cette toile de fond de Tekken, sur ces rivalités entre père et fils sur plusieurs générations? En fait, justement, c'est ce qui fait la force de Tekken si on veut le comparer à plusieurs autres titres qui ont bien sûr eux aussi une histoire et une cosmogonie assez riche. Mais alors Tekken, vraiment, du premier au dernier opus, en passant par les adaptations, c'est l'histoire de la famille Mishima et En gros, c'est l'histoire du père, du fils, puis du petit-fils, puis de l'arrière-petit-fils. Ça se passe sur 4 générations et c'est une histoire de haine et de vengeance. Donc, en somme, on a la figure paternelle qui veut se débarrasser à chaque fois de la figure filiale et forcément, cela engendre une recherche de vengeance. Et à chaque fois, en voulant éliminer le fils, on essaye de récupérer le petit-fils pour essayer de battre le fils. Et c'est justement le propos de tout Tekken. C'est en somme une apologie, alors pas forcément de la violence, ça serait un peu étrange finalement et ironique de dire ça pour un jeu de combat, mais c'est une apologie de la puissance et de la force vraiment en tant que telle, puisque justement, certes on a cette trame de fond, mais comme ça a été dit juste avant, le but de ce tournoi Tekken, c'est de prendre le lead, de devenir finalement le PDG d'une entreprise qui est la Mishima Zaibatsu. Et ça, quand même, quand on y réfléchit, aujourd'hui, évidemment, c'est retranscrit de manière beaucoup plus politique, économique. Mais c'est succession. C'est ces histoires de succession, de bataille de succession pour avoir, pour devenir le chef d'une entreprise familiale. C'est quelque chose qu'on le retrouve. Et ici, c'est retranscrit évidemment via un gameplay de jeu de combat, mais en fait, c'est un petit peu ce qui continue de se passer dans les grandes entreprises du monde aujourd'hui. Et ce qui est passionnant, c'est que au début, c'est vraiment centré sur cette image et sur de filiation, de père en fils qui se hait, qui se déteste, qui cherche à se tuer. D'ailleurs, dans le dernier opus Tekken 7, on a une citation d'Oscar Wilde qui dit, je me permets de la citer parce que je la trouvais très éloquente par rapport à l'histoire, les enfants commencent par aimer leurs parents. Devenus grands, ils les jugent et quelquefois, ils leur pardonnent. Et ça, c'est justement ce qui ne se passe pas dans Tekken. Oui. C'est exactement l'opposé. Jamais les enfants ne vont pardonner, en l'occurrence les fils. Bon, après, il faut dire que les papas les jettent dans les volcans, tout ça, oui. Ça aide pas. Non, c'est ça. Et donc, comme nos autres invités l'ont dit, ça c'est la trame principale. Et autour de ça, on a toute une autre flopée de personnages qui vont venir se greffer, rejoindre tantôt le rang du père, le rang de l'arrière-grand-père, le rang du fils, de l'arrière-petit-fils, etc., etc. Et au final, ça donne un sacré gloubi-boulga, de personnages qui gravitent autour de ça. Ken Bogard, comment et à quelle époque avez-vous découvert Tekken et surtout avec quel opus, peut-être avec le premier d'ailleurs? Non, sincèrement, c'est avec Tekken 3 que j'ai découvert Tekken et je pense comme beaucoup de personnes, c'est probablement le Tekken qui a le plus atteint de monde et qui s'est le mieux vendu, il me semble, sur PlayStation. Les raisons à ça étaient assez simples. Déjà, la première, c'est que l'ensemble du contenu de Tekken 3 pour l'époque PlayStation était gigantesque. Le nombre de persos était gigantesque. On ne parlait pas de contenu téléchargeable. Tout était débloquable en jouant à l'intérieur du jeu. Ah. Les modes de jeu étaient nombreux. On pouvait y revenir. T'avais des modes genre le Tekken Ball où on jouait au volleyball avec les personnages de Tekken. Le cast était aussi riche et varié. Et les graphismes était pour l'époque exceptionnel. On était arrivé à un taux de fusion entre PlayStation et Namco qui permettait des choses juste folles pour l'époque. Alors on dépassait pas les 30 frames par seconde, mais... Alors les 30 frames, j'explique, ouais. Hein, c'est les séquences d'animation pour faire bouger un personnage sur un écran. C'est les images perceptibles par l'œil humain. Exactement. Ce qui pour un jeu de combat est relativement faible, mais pour un jeu 3D est relativement acceptable. Et on avait un cast nombreux, une richesse de persos, des persos un peu loufoques tels que Gon, tels que le docteur complètement fou à l'intérieur du cast, tels que Mokujin, tels que des pandas. Voilà, on avait vraiment beaucoup de persos riches et variés, des gameplays qui l'étaient tout autant, et voilà, un contenu hallucinant avec une rejouabilité qui ne s'arrêtait pas. Le jeu a forcément connu énormément de fans, et je pense que même parmi ceux qui nous écoutent, beaucoup à mon avis ont dû commencer avec Tekken 3. Et je vous le disais hors antenne, mais c'est aussi un jeu qui, moi, m'a attiré pour une raison qui, je l'avoue, est très communautaire. C'est que c'était un des rares jeux de combat où il y avait énormément de personnages de couleur, mais super classe, super badass. On pense à Eddie, Raven récemment. Et ça aussi, c'était quelque chose que les concurrents n'avaient pas trop mis en avant. En vrai, il y a une véritable volonté sur quasiment tous les jeux de combat de faire des personnages issus d'un art martial d'un pays donné. Il y a une véritable raison à ça. Il faut savoir qu'on veut plaire au maximum de public aussi. Et du coup, dans le processus de création des jeux, on inclut des personnages issus de certaines nationalités aussi pour plaire aux personnes de cette nationalité. Et souvent, quand Arada ou à l'époque Ono arrivait en France, disait « Regardez, on a mis un personnage français, vous êtes content, vous allez le prendre. » Vous n'avez pas à comprendre que, oh, que le personnage soit français ou pas, j'en ai rien à faire. J'avais juste envie de jouer, tu vois, un immense Indien d'Amérique. Ça ne m'intéressait pas. Mais eux étaient contents de ça et forcés de constater... Faut dire que c'est aussi leur vision des Français. Hein, oui, c'est exactement c'est ça. Des personnages un peu rococo. Hein. Mais ça va bien parce que, de toute façon, tous les personnages sont très caricaturés dans Tekken, et il y a un respect de l'art martial dans Tekken qui est juste vraiment proprement hallucinant, et c'est ce qui fait qu'on sent que le jeu est bien fait et que c'est un beau produit fini. Et une variété de combats, une variété de combats complètement délirante. Hein. Quand je pense rien qu'aux trois, ouais, où on avait du taekwondo, de la capoeira avec Eddie et du karaté de style Mishima avec Jin notamment. Enfin, c'était quand même assez épatant. Et je pense qu'au-delà, en fait, des nationalités, parce que c'est vrai qu'il y a une volonté hein, que des joueurs puissent identifier et trouver leur chouchou par rapport à ça. C'est un sentiment que j'ai quand je parle avec des joueurs de Tekken, c'est qu'ils vont pas nécessairement se tourner vers un des personnages les plus forts, enfin on pourrait dire que Paul Phoenix est le personnage le plus fort selon Arada, mais vont plutôt s'orienter vers celui qui leur ressemble, ou en gros... Donc qui a fait une entrée fracassante dans le dernier Tekken. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et il y a aussi parmi les éléments biographiques que j'évoquais tout à l'heure, et je me souviens très bien de Tekken 3, où on avait un petit livret de personnages avec notamment des petits éléments qui expliquaient qu'est-ce qu'aime ce personnage, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quel est son groupe sanguin dans une tradition très japonaise. Et ça pouvait contribuer en fait à donner un sentiment d'attachement. Par exemple, Ling Xiaoyu, qui déteste les mathématiques et le fromage, et adore les pandas et les parcs d'attractions, moi ce fut mon personnage préféré instantanément. Vous en dites énormément sur vous, Gilles Le Baron. Quand on a un bon niveau à Tekken, homme ou femme, après une victoire, on a le droit de se la raconter, mais à un niveau acceptable, tu te lèves, et dans ta tête, voilà ce que tu entends. Escrew, qui nous interprète 2001. La prod, j'ai peux la tuer de sang froid. Je fuck les lois, mais je suis pas sans foi. L'avenir, je le voyais pas sans toi. Mais l'amour et la haine ne manquent pas. C'est la crise, je veux m'émanciper, me perdre dans cette immensité. Petit, je vendais la zipette juste pour pas être un assisté. Je vois les S dans le public et les L1. On n'entend rien quand tu kiki manque la haine. Hein. On veut tu baisses le jackpot pour mon S. Que là, je rassure scène, il reste encore du sursis. Là où ça gèle dans la presse, ouais, dans le haut standing. Je vais au bled sur mes terres, je passe par Constantine. On est des terres, dis-moi qui peut nous arrêter. Y'a le seum dans la rétine et ça depuis la récré. Ils ont clair, ça recule quand ça ressent le power. À Santa ça Paname, c'est jamais temporaire. Je mets bien mes semblables, je fais le nécessaire. Ça paraît invraisemblable quand par un être cher. Va falloir faire semblant comme d'habitude. Sur le bitume, je dois garder mon attitude. Cette mélodie dans la tête comme un flingue sur la tempe. Presse la gâchette, on va buter l'attente. Hey, t'inquiète, je ne t'ai ce qu'il veut pas. Je suis toujours en mouvement, le présent n'existe pas. Non, pas trop dans vos soirées dansantes. Pourtant, chez moi, les gens chantent. Laisse-moi faire péter les enceintes et y'aura pas de mésentente. Si j'avais le choix, je renverserais le système. T'as toujours le choix. Je le répète au petit frère, faut garder la foi. Faut garder la foi. Garder le cap, mais parfois t'as pas. Toujours le choix, je renverserais le système. Je regarde devant moi. J'évite leur nique, faut garder la foi. Faut garder la foi. Garder le cap, mais parfois t'as pas. Toujours le choix. Je n'ai le premier jour de la semaine pour peser le reste. Les traîtres, faut vite savoir les semer avant qu'ils prennent le pèse. Un jour dans une villa, un jour dans le Tchekar. Un roux qui raquette une daronne, jamais on le checkera. Hey, à la recherche de la sagesse, ma haine est dominante. Roux, elle s'installe quand je suis instable comme les dominos. J'aime pas les comicos, pourtant je suis connecté à eux. Dès qu'on va collecter ce qu'il faut, autant mytho. Mon roux, c'est le feu, moi froid comme la classe. Ça soit 2, 3, 4, on tapasse. Parle pas de loyauté, on sait pas qui tu es. Plus peur de la trahison, mon cœur est habitué. On connaît bien les taseurs, les traceurs. T'es attiré par notre accent. Notre accent compte les secondes en fraction. Extraction, l'avenir rentre par effraction. Être enceinte, contraction, un enfant qui naîtra seul. Être à sec sans remettre au sort. Aimer les transports quand le métro sort. Voix de bus, rouler sur les champs sans être acteur. Je vois Hux rouler sur le champ si comme un tracteur. Si j'avais le choix, je renverserais le système. T'as toujours le choix, je le répète aux petits frères. Faut garder la foi. Garder le cap, mais parfois t'as pas. Toujours le choix, je renverserai le système. Je regarde devant moi, j'évite leur nique. Faut garder la foi, faut garder la foi. Garder le cap, mais parfois t'as pas. J'ai commencé sans plan, sans plaindre, sans plomb dans la cervelle, sans semblant. J'ai commencé sans blé, sans plug, on semblait. Les COS, crew, que je voulais que le son plaise. Sans bluff, on semble, simple et sans faux. Sans plan, en souplesse dans le texte. Escrew 2001. Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter. Ah oui, j'ai eu une baisse. J'ai entendu 2001. Je suis descendu très très bas quand même. Ouais. 2001. Ouais. Ouais. Oui, mais là c'était. J'avais ma grosse voix de Tekken. Putain, c'est pour ça. Plus de 20 ans. Julie Le Baron, vous, quel est votre personnage favori dans Tekken? Ah, mon personnage favori, c'est celui que j'ai joué pour la première fois, c'est Jin Kazama, parce que comme Ken, j'ai découvert Tekken par l'intermédiaire de Tekken 3, et c'était donc lui un peu c'était lui qui apparaissait sur la couverture, donc forcément mon choix s'est dirigé vers lui. Les petites flammes sur son jogging. Les flammes sur son jogging absolument fabuleuses. Non, parce qu'en plus d'être un personnage qui a une histoire que je trouve intéressante. Il a des flammes sur son jogging. Il des flammes sur son jogging. On a l'impression que son jogging va prendre feu. Et quelque part, c'est très chouette d'avoir retrouvé ce motif des flammes un peu plus tard, dans Tekken Tag notamment. Et j'étais très triste quand ce motif a disparu peu à peu. Comme quoi, ça tient vraiment à peu de choses. Hein. Bah exactement. Justine Boulanger. Alors moi, j'ai commencé avec Nina Williams. Ah ouais, ouais, elle est super. Ouais. Nina Williams. Et à l'inverse, je n'en pouvais plus de sa petite sœur Anna. J'avais vraiment envie de la dézinguer, chose que je me suis adonnée à faire moult fois. Et récemment, dans les derniers opus, je suis littéralement tombée amoureuse de Master Raven, qui est on parlait justement d'identification tout à l'heure. Je trouve que elle échappe un peu à cette notion d'identification, parce qu'en fait c'est une femme qui fait partie de l'ONU, vu que le monde de Tekken se passe en fait dans notre monde à nous. Oui, où le monde sait quand même très bien se battre. Voilà, tout le monde, voilà. N'importe qui sait extrêmement bien se battre. Même nous saurions extrêmement bien nous battre techniquement si on était dans le monde de Tekken. Et elle fait partie de l'ONU, c'est une assassin qui a un style, on va dire, de ninja. Hein, voilà, ni plus ni moins. Sauf qu'elle est noire de peau, avec des immenses dreads qui sont absolument magnifiques, moi qui m'ont un peu fait penser à Bayonetta, en l'occurrence. Et elle a un... Castora, bientôt. J'espère, j'écouterai. Et surtout, en fait, elle a un côté un peu cybernétique. Donc, on a une espèce de mix comme ça, de plein d'éléments que j'ai trouvé absolument géniaux. Et surtout, moi, elle fait des pirouettes en l'air. Et en vrai, c'est ce que j'ai adoré dans son gameplay, quoi. On fait des pirouettes et des pirouettes et plein de pirouettes. Et on se sent surpuissant. Ken Bogard, alors on sait que Tekken 3, ça a été la découverte. Ouais. Mais on ne sait toujours pas quel est le personnage favori. Moi, j'ai commencé Tekken en jouant King. Castlevania. Parce que je joue les archétypes de personnages chopper dans quasiment tous les jeux de combat. Mais je me suis très vite rendu compte que... C'est un catcheur. Voilà, exactement. Que... C'est ça, choper à Tekken, attraper les personnages, leur mettre des prises. Ça n'avait rien à voir avec faire la même chose sur Street Fighter ou sur Fatal Fury. Et quand ton adversaire connaît, en fait, tu peux pas enchaîner des prises. C'est même très difficile d'attraper les joueurs. Du coup, je me suis... concentré sur un archétype de perso que j'aime bien, les persos faciles à prendre en main et qui ont des dégâts énormes tout de suite. C'est pour ça que depuis Tekken, la fin de Tekken 3 et début de Tekken 4, je joue Jack quasiment tout le temps. Et donc Jack qui est le robot, un cyborg, oui, un cyborg dans le bien jeu, bien sûr qu'il y a un cyborg. Qui connaît évidemment des mises à jour avec chaque nouvelle version. Donc chaque nouvelle version a le droit à son Jack et son gameplay a peu changé depuis le début et du sa jeu. Coupe d'Iroquois aussi. Et sa coupe d'Iroquois aussi. Parce que l'ergonomie pour un cyborg, de vraiment de peaufiner ça juste avec une petite coupe d'Iroquois en métal, j'ai toujours pas compris. J'ai jamais compris non plus hein, ce mélange bizarre entre le T800 et puis un Iroquois. Mais bon, ça fonctionne très bien et il a des coups qui sont un peu similaires à des coups d'armes à feu, mais uniquement avec ses mécanismes. Je trouve le perso dégage une véritable notion de puissance et il bouge très peu, il a beaucoup d'allonge, ça me convient assez bien. Bah voilà, c'est moi évidemment Eddie et puis ensuite Raven parce qu'il y avait ce côté Blade, Wesley Snipes, magnifique perso. Magnifique, il est magnifique. Et alors, est-ce qu'il y a une mécanique de jeu dans Tekken qui vous plaît plus que dans d'autres jeux de combat? Parce que c'est vrai que quand j'ai fait un blockbuster sur Street Fighter, il y a énormément de gens qui étaient ravis, mais il y a eu toute une communauté qui dit « Non, le meilleur jeu de combat du monde, c'est Tekken, c'est pas Street Fighter !» Donc, est-ce qu'il y a une mécanique de jeu dans Tekken qui le différencie des autres et qui explique cet enthousiasme? Ce qui, à mon avis, déjà, les deux jeux sont vraiment très différents en termes de mécanique de jeu. Je veux dire, rien que le fait d'aborder les jeux en 2D, en 3D, on n'est pas du tout sur la même chose. Mais je pense que ce qui fait la caractéristique réellement de Tekken, c'est que, en fonction du stage que l'on sélectionne, du niveau que l'on prend, on n'a pas la même approche du combat. Il y a des stages petits, il y a des stages grands, il y a des stages sur deux étages, sur trois étages, il y a des stages sans mur. En fonction des niveaux que tu prends, certains persos peuvent être plus avantagés que d'autres. Il faut donc non seulement composer avec le personnage qu'il y a en face de toi, mais aussi avec ton environnement, dans une moindre mesure. Là où on peut encore composer encore plus avec l'environnement dans des jeux comme Dead or Alive. Tekken met ça en place, et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, parce qu'on peut, une fois qu'on a perdu un match, dire, écoute, je prends le stage dans lequel je suis le plus à l'aise, et peut-être se redonner un micro-avantage, qui n'est pas forcément un avantage tout puissant. Qu'est-ce que vous êtes civilisé, n'est-ce pas, évidemment, bien entendu. Après une victoire, une défaite, vous êtes encore en train de parler. Ou alors on peut jouer avec le petit frère qui connaît pas trop que t'es avantagé sur certains stages. Moi, je parle plus, hein. Évidemment. J'y vais pourrir, dégage, lâche la console. Et tu joues uniquement dans le stage où t'as toujours l'avantage et tu gagnes tout le temps et on trouve ça bizarre en face, mais toi tu dis jamais pourquoi est-ce que ça t'avantage. Enfin, cette notion du décor, sachant qu'on peut faire rebondir le personnage contre un mur, on peut le faire rebondir sur le sol, on peut détruire le sol, on peut détruire certains murs qui donnent accès à certains combos supplémentaires, c'est vraiment une notion extrêmement importante dans Tekken et je pense que c'est ce qui rend le jeu vraiment unique et fondamentalement intéressant. Ken Bogard parlait de Dead or Alive et justement j'ai l'impression que Tekken a toujours été coincé entre presque le modèle d'avant, Virtua Fighter, et celui d'après, Dead or Alive, et au final, il a réussi, sûrement par le talent d'Arada, à faire une synthèse des deux, qui a dépassé ces deux concurrents directs. Quelle est votre opinion là-dessus ? Moi, justement, ce que je trouve vraiment intéressant du côté d'Arada, c'est que, donc, au-delà de tout l'aspect histoire qui, pour moi, enfin, a vraiment créé une notion d'attachement parmi les fans de Tekken, il y a vraiment cette volonté, en fait, de faire évoluer le gameplay, mais tout en respectant toujours le gameplay de base, quoi. Et de vraiment juste y ajouter, ne pas avoir peur, en fait, parce qu'il y a vraiment une grosse différence, par exemple, entre Tekken 4 et Tekken 3. Le Tekken 5, c'est un peu une synthèse de plusieurs éléments de gameplay des quatre épisodes précédents. Et je pense que ça, c'est ce qui lui permet de tirer son épingle du jeu, de toujours rester un jeu de combat, mais en y incorporant de nouvelles mécaniques, par exemple les mécaniques de retour, par exemple comme le rage, qui fait que par exemple quand un personnage est sur le point d'être KO, il peut par exemple faire une super attaque qui peut être facilement esquivée, mais qui peut faire très mal. Il est très énervé et il fait un ultime coup, un sacrifice. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le jeu, c'est une bougie ne brûle jamais aussi intensément que quand elle est sur le point de s'éteindre. C'est exactement et ben voilà, ça. C'est ça appliqué à Tekken. Oui, j'ai fait France Inter troisième langue pour ça. C'est ça. Et moi, il y a une chose aussi qui m'a marqué Tekken justement par rapport à Doha, enfin Dead or Alive, c'est que moi j'ai commencé Tekken sur borne d'arcade. J'étais vraiment petite, donc je touchais un peu les boutons. Je crois que je savais pas trop ce que je faisais, mais voilà. Par contre, je me rappelle de l'épisode de Dead or Alive sur PlayStation 2 à l'époque, donc ça remonte un petit peu. Et à partir de là, c'est vrai que moi je m'étais plus orientée vers Dead or Alive, et il y a un truc qui m'a déplu chez Dead or Alive par rapport à Tekken, c'est qu'on a une énorme hypersexualisation des personnages féminins. C'est un euphémisme. Ah ouais, ouais, ouais, parce qu'on parlait du jeu de volleyball qui était très très drôle dans Tekken, où le but était de mettre KO l'adversaire en lui envoyant un ballon de volley dans la tête. Ça, c'était funky, c'était drôle. L'épisode de volleyball de Dead or Alive, il m'a pas fait rire du tout, moi, en tant que femme. Et... là où j'ai trouvé que justement les Dead or Alive avaient tendance à s'embourber un peu dans cette hypersexualisation tant féminine que masculine, à l'inverse, j'ai trouvé que Tekken, on avait plutôt tendance à évoluer. On a plus de personnages de couleur, encore et toujours plus. Bon, alors, au niveau morphologique féminin, ça change pas trop. Mais on a moins de personnages qui sont de base dénudés. Je prends par exemple le dernier boss de Tekken 7 qui est Kazumi. La femme d'un des grands pontes justement des personnages du jeu, elle est en habit traditionnel, on voit pas un bout de peau dans son costume, on va dire canonique, vu qu'on peut personnaliser le personnage après, libre à nous de la mettre en bikini, mais c'est pas son apparence de base. Voilà, on a pas mal de choses comme ça. On a des personnages avec notamment chez les hommes qui sont plus petits, plus fluets notamment, je pense aussi à Léo. On a des personnages qui sont plus forts en termes de gabarit. On tend vraiment à une plus grande diversité, et ça c'est quelque chose moi qui m'a aussi marqué pour Tekken, et c'est un bon pas en avant, je trouve. Alors, on s'approche tranquillement de la troisième partie de cette émission, troisième et dernière partie, mais avant cela, on va écouter Nilufer Yanya avec The Dealer. Somebody else. I hope it's just the summertime. I could have touched you. I need some. Yanya, dans Blockbuster sur France Inter. I will train you to fight. In return, you will prove to me you're worthy of your ancestry. Even if it kills you. C'était un extrait de Tekken Bloodline, une nouvelle série qui sera disponible le 8 août et qui évoquera le passé de Jin et John Kazama. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez des attentes particulières sur ce projet qui va donc être diffusé bientôt sur Netflix? On a vu la bande-annonce, voilà, qu'en pensez? Parce que on l'a dit, il y a eu des films de qualité discutable, pour le dire très poliment. Parce qu'après, faut dire que autant le scénario de Tekken, dans sa tendance à partir dans tous les sens, peut marcher dans le cadre d'un jeu vidéo où on débloque des cinématiques progressivement. On n'a pas toute une histoire foutraque qui nous tombe dessus, comme ça peut être le cas dans un film. Il y a eu un film donc sorti en 2010 qui honnêtement n'était pas très bon. Donc moi l'avantage c'est que j'attends ce Tekken Bloodline, mais mes attentes sont très basses. En tout cas de ce qu'on a vu, les animations ont l'air plutôt chouettes. C'est forcément la voie la plus sensée que de suivre tout l'angle de la famille Mishima Kazama parce que c'est le plus intéressant. Mais voilà, toujours est-il que mes attentes sont très basses, mais je regarderai quand même. Le problème, c'est que bon, ici, on parle d'Hamlet, on parle de drame c'est vrai. De drame grec. Ici, bon, soyons clairs, le scénario de Tekken, c'est un scénario de série B, hein, c'est un foutu nanar. Ok, donc évidemment, quand on essaye d'adapter tout ça, souvent en film ou en série, on est confronté au nanaresque de la situation, ce qui dans un jeu vidéo passe très bien. Et d'ailleurs, vous adaptez quasiment tous les jeux vidéo en série, vous avez un scénario de nanar derrière. Donc, ça tombe bien que vous disiez ça parce que j'ai vu il y a très peu de temps la série Resident Evil sur Netflix qui réussit. Il paraît. A créé un nouveau nanar qui n'avait rien à voir avec le nanar du jeu vidéo. Exactement. Et ça c'est un certain talent. C'est une prouesse. Hein. Ah oui. Et après, 8 films qui eux-mêmes avaient créé un nanar. On est dans une sorte de monde méta où chacun se dit « je peux faire encore pire ». C'est vrai que quand on le vit en jeu vidéo, on se dit « ouais, on n'a jamais vu ça, le scénario est toujours aussi poussé ». Mais dès qu'on le remet dans le cinéma, là, on a l'habitude d'avoir des choses très travaillées, très cinématographiques, des films d'auteur. On arrive avec un truc, un scénario de jeu vidéo, ça peut être The Last of Us, ça t'a l'air d'un nanar. Mais bon, donc c'est le problème de Tekken. Donc moi, mes attentes, déjà, c'est que la réalisation soit bonne. Parce qu'on a eu un animé, un OAV hein, de Tekken, dont la réalisation était plutôt correcte après avoir eu des films assez dramatiques. À partir du moment où on tend vers une qualité d'animation et que ce soit agréable à regarder, ça fera déjà le taf. Justine Boulanger. Alors moi, en termes d'animation, en fait, j'ai des attentes très hautes parce qu'en fait, je n'ai peut-être pas raison, mais j'ai l'impression quand même qu'ils profitent de la vibe, de la grosse tendance qu'on a en ce moment à absolument tout mettre en animé sur Netflix. Ça a été le cas pour The Witcher, ça va être le cas pour Dragon Age, un autre jeu. C'est le cas pour Dota. Oui. On a plein de jeux vidéo comme ça qui passent. Parce que sur Amazon Prime aussi, il y a la même tendance. Il y a cette tendance là à vouloir tout transformer en animé. Alors pourquoi pas hein. Et puis dans l'absolu. Après, il y a d'excellentes réussites. On pense notamment à Arkane. Arkane qui a rompu la malédiction des adaptations. C'est ça. Et même Castlevania. Hein. Oui, c'est vrai. Effectivement. Et en fait, finalement, ceux que je viens de nommer sont pas si mal. Donc j'espère que ça va être du moins aussi bien, sans parler d'une grande révolution, que à regarder ça soit assez sympathique. Parce que bon, Tekken, ça reste un jeu vidéo de combat, c'est quand même hyper violent, même si les personnages ont une large propension à ne jamais mourir, à ne jamais saigner, à ne jamais avoir rien de cassé. Et quand on voit les coups qui se prennent, je m'interroge un peu sur comment est-ce qu'ils vont retranscrire ça en animé, parce que après avoir vu le trailer, il y a quand même quelques effusions de sang. Donc est-ce que ça va apporter un côté plus réaliste? Mais s'ils apportent un côté plus réaliste, je vois pas comment les personnages peuvent survivre au combat. Ah, moi, ça fait des années que je suis fan de Mortal Kombat, je vous assure. Ouais, oui, bah alors là, c'est le sang, tout ça, c'est très surfait. La colonne vertébrale. La survie aussi, ouais. On peut faire sang. Voilà, donc à part la lignée Mishima qui a une grande proportion à la survie, hein, c'est largement, c'est une prouesse même, moi je m'interroge surtout sur le scénario qui, en fait, étant donné que ça va être centré sur le dernier petit de la famille Mishima et qu'on a encore des points d'interrogation sur la cosmogonie, en l'occurrence qu'est-ce qu'est devenue sa mère qu'on voit dans le trailer, elle est censée être morte, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, est-ce qu'ils vont la faire apparaître comme ça d'un seul coup dans la série animée? Est-ce qu'ils la gardent pour Tekken 8? Je ne sais pas. J'espère qu'en tout cas, ils vont respecter cette cosmogonie de la famille Mishima et pas tout foutre en l'air. Hein, pardon, mais c'est un peu ma crainte. On se retrouvera après le 8 août pour voir si les craintes ont été confirmées ou non. Ken Bogard, quelle est la situation de Tekken au niveau des compétitions d'e-sport mondial? C'est une situation qui est vraiment formidable. Il faut savoir que Tekken 7, c'est un jeu qui commence à dater vraiment énormément. Déjà 2 années avant de sortir sur console, le jeu était présent sur arcade et a fait vivre les compétitions internationales avant même sa présence sur console. Je ne sais pas à la combienième d'années, peut-être 6e année de Tekken 7. Oui, je crois qu'il a été créé en 2017. C'est juste fou. Console, ouais. Ça fait 5 ans qu'il est disponible sur console et on a encore près de 1000 joueurs inscrits à l'Evo 2022 ici. Donc il y a vraiment énormément de joueurs. Mais surtout, ce qui est très intéressant avec Tekken 7, c'est que grâce au online et aux nouvelles capacités, on va dire, connectées du jeu, le jeu a pu voir la naissance de scènes émergentes mondiales. Ainsi, on s'est réveillé avec une communauté pakistanaise surpuissante sur le jeu. On n'en avait pas conscience, mais il s'avère que les gars, ils jouent à Tekken, ils sont devenus forts à Tekken, et là on jurait que par les communautés coréennes qui étaient les leaders absolus du jeu devant les japonais. Et les pakistanais se sont révélés avec notamment un joueur qui s'appelle Arslan H, que vous avez très probablement déjà entendre parler, très jeune joueur pakistanais qui a parcouru le monde malgré les problèmes de visa, malgré les difficultés de voyager par ces temps terribles, on va dire, eh bien, il est allé parcourir les différentes compétitions du monde et il les a remportées quasiment toutes en faisant tourner les personnages du cast, c'est-à-dire en montrant au monde que ce que l'on appelle la méta, c'est-à-dire globalement les méthodes de jeu installées, n'étaient pas forcément fixes et pouvaient être bougées, et que avec un peu de génie, un peu de peps, un peu de créativité, d'inventivité et des bonnes connaissances de jeu, eh bien des jeunes joueurs inconnus peuvent émerger comme étant parmi les meilleurs joueurs du monde. Et ça a vraiment bousculé énormément de choses, et ça a fait de Tekken un cas très unique. Là où Street Fighter est très ancré dans ses joueurs toujours très très bons, Mortal Kombat aussi dans sa communauté américaine, King of Fighters aussi dans une communauté très chinoise, Afrique du Nord, Amérique du Sud, Tekken a fait bouger les frontières sur le plan international, et j'ai rarement vu un jeu autant le faire ces dernières années. Et j'ai l'impression que Tekken cristallise aussi et a tendance à retenir sur lui l'attention des jeux de combat 3D et qu'on voit, on a vu émerger de nouvelles scènes avec de nouveaux jeux, évidemment sur Super Smash Bros avec la réussite de Gluttony un joueur qu'on a reçu à Blockbuster il n'y a pas très longtemps, mais aussi on peut le voir des jeux en deux dimensions qui sont très très très très plébiscités en France avec Dragon Ball FighterZ, etc. rapidement, est-ce que la 2D est en train de faire un retour très fort En fait, la 2D n'a jamais disparu. Le véritable problème, c'est l'aspect compétitif des jeux de combat 3D. Si jamais un jour on parle de Soul Calibur et si jamais ça s'intéresse les gens, haute licence de Namco, Soul Calibur n'a jamais été pensé comme un produit réellement compétitif, et c'est ce qui crée finalement ce manque de richesse compétitive autour du jeu. Dead or Alive aussi, hein, gâché par un manque de core value important, a fait que eh bien, ça n'a pas pu créer une scène intéressante. Seul Tekken eh bien, se maintient en haut des jeux 3D. Seul Tekken se maintient. C'est la fin de cette émission. Merci Julie Le Baron, Justine Boulanger et Ken Bogarde. Merci également à Louis Audebert, à la technique, et Loïc Frapsos au mixage. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur le Twitter avec hashtag Blockbuster EFI. Final round, fight! Et demain, on va parler d'un autre combattant, un guerrier badass qui a marqué l'histoire de France et la pop culture, Victor Hugo. Et après le journal, vous allez surtout retrouver un monde nouveau avec Mathilde Serrel. Bonjour Mathilde. Bonsoir Frédéric. Et vous avez forcément joué, ou vu plutôt, Ready Player One. Évidemment. De Steven Spielberg. Et ben, c'est un peu ça, le métavers, hein, l'oasis dont on parle dans Ready Player One. Pourquoi ça doit être aussi européen, le métavers? On en parlera avec Vincent L'Orphelin, qui est un spécialiste et entrepreneur. Et puis MC Solar, Claude MC, là là, sera des nôtres. Il cartonne en streaming et sur scène avec un big band. Merci. France Inter.